ta vie en main. Nouveauté chez Slam Disc, Frank Custo, le chanteur des Connards à la rampe. Oh Robert motivé. Frank Custo sort son premier album solo, Départ doux. De mauvais choix, de plan bancal en idéal. Ça parle de bière, de mort, d'amour et de bancrack. Ça doit faire chier être mort. Édition vinyle jaune, en magasin en ligne, disponible maintenant. À découvrir sur La Fabrique culturelle. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de chapeaux autour de moi, tout le monde en portait. La chapelière au grand cœur, Mireille Racine. Tout à coup, ça avait toute une signification sur une grille installée par des réfugiés qui étaient à l'intérieur, qui ne savent pas qu'est-ce qui va arriver dans leur vie. Eux, ils sont là en attendant combien de temps, ils ne savent rien. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Le 34e Festival international de musique actuelle de Victoriaville se tient du 17 au 20 mai 2018. Au programme, William Parker, Mats Gustafsson, un hommage à Walter Boudreau de l'Infonie à la SMCQ, une soirée japonaise avec Fiu Saikobab, Afri Rampo et bien plus encore. Soyez des nôtres pour 4 jours de concerts, un circuit d'installation sonore dans l'espace public, 2 programmes de courts-métrages expérimentaux et une exposition d'art visuel. Du 17 au 20 mai 2018, venez vivre l'expérience du 34e FIMAV. Achetez des billets et informez-vous sur le fimav.qc.ca. Ce soir, à l'aérospatiale, Jacinthe Carrier expose au Musée d'art de Joliette la comptabilité pour les artistes et une rencontre avec l'artiste Jérôme Trudel. Bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'aérospatiale, votre rendez-vous hebdomadaire en art visuel à Québec. C'est Audrey Carreau à l'animation de cette édition du 1er mai 2018 et je suis très heureuse de vous retrouver à ce micro ce soir. Et on a une émission, je vous dirais, très, très variée aujourd'hui. C'est le printemps, mais on s'amuse. On met un peu de couleur dans votre retour à la maison ou dans votre début de soirée pour vous parler d'art visuel. Bien sûr, mais sous toutes ses formes. Et dans un premier temps, en première partie, j'aurai le plaisir d'accueillir Jacinthe Carrier, hein, qu'on connaît bien ici à Québec, qui expose au Musée d'art de Joliette. On s'était dit, si des fois vous avez envie de faire une petite sortie cette fin de semaine, vous cherchez à aller voir quelque chose d'intéressant, bien, il faut passer au Musée d'art de Joliette, donc voir cette exposition-là. Paysage, faire le jour, qui est en cours là, jusqu'au 6 mai. Alors, c'est vraiment votre dernière chance d'aller voir cette exposition-là. Et sinon, je recevrai également Julie Picard, qui est artiste et comptable. On a déjà jasé avec elle ici à ce micro, mais davantage de sa pratique artistique. Mais là, elle va donner une formation de comptabilité pour les artistes et les travailleurs autonomes en culture. Ce sera très bientôt et on va discuter ensemble de qu'est-ce qu'elle nous réserve pour cette formation-là. Mais aussi, c'est une artiste qui est est également comptable, oui, artiste comptable, et sa pratique artistique et comptable se lient ensemble, sont liés, et on va pouvoir aussi aborder rapidement tout ça parce qu'elle a écrit son mémoire, publié son mémoire aussi très récemment à ce sujet-là, entre sa pratique artistique et sa pratique comptable. Et en deuxième moitié d'émission, c'est Julien Saint-Georges Tremblay qui vient nous rencontrer pour nous parler de l'artiste Jérôme Trudel. Il l'accompagnera d'ailleurs aussi, cet artiste, pour parler de cette exposition Au fil du temps qui est présentée à la salle Jean-Paul Riopel de la bibliothèque Étienne Parent de Beauport. Alors, on va découvrir ensemble le travail de ce jeune artiste de la relève. Et en fin d'émission, je me fais plaisir, je vous fais quelques suggestions, lectures. J'ai fouillé dans ma bibliothèque pour vous des suggestions de lecture assez variées. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour entendre parler de tout ça. Et comme d'habitude, on vous parle aussi des événements à ne pas manquer cette semaine. Il y en a plusieurs, alors soyez à l'écoute. On s'en va en courte pause audio. Cette semaine, Simon Roy nous présente toujours de la musique électronique, mais deep techno. Donc, il y a quelque chose d'un peu estival. C'est l'artiste Atabey qui nous présente avec des extraits de l'album It's Out There. Et on s'en va écouter Short. On débute cette émission en compagnie de Jacinthe Carrier. Bonsoir, Jacinthe. Bonsoir. On se disait hors d'onde que ça fait presque un an qu'on ne s'est pas parlé ici à ce micro. On s'était parlé à la fin du mois de mai l'an dernier au sujet des prix Sobé, parce que tu étais dans la longue liste de nommés pour le prix Sobé pour le Québec. Et finalement, c'est toi qui as été retenu à l'époque, donc pour la liste courte. Donc, tu as représenté le Québec l'an dernier. Enfin, une belle expérience, j'imagine. Oui. Ah oui, vraiment. Et là, dans le fond, on avait envie de se revoir pour se parler parce que, comme je disais d'entrée de jeu, il y a cette exposition au Musée d'art de Joliette. Si vous ne connaissez pas le Musée d'art de Joliette, c'est un très beau musée dans Lanaudière. Et tu y présentes jusqu'au 6 mai « Paysage, faire le jour », un nouveau projet que tu as réalisé, dans le fond, ton dernier projet, j'imagine. Oui, exactement. Tout à fait. Et peut-être nous rappeler aux auditeurs là, qui sont à l'écoute un peu ton travail, ta démarche qui est en vidéo et en photographie. Oui, donc bon, brièvement, mon travail, dans le fond, je m'intéresse à créer des mises en scène ou des performances dans le paysage, un peu pour réfléchir nos façons d'habiter le territoire ou d'entrer en relation dans le territoire. Et puis, donc, j'invite souvent des communautés, des groupes que je mets en scène, soit par une action, un geste. Je travaille avec des vêtements, des accessoires. Je crée vraiment des tableaux, un peu des tableaux vivants que je mets en action, que je laisse aller, puis que je documente par la photographie et la vidéo. Oui. Et puis là, dans le fond, les territoires, tu les appelais donc des territoires cicatrices, donc des lieux qui sont qui ont été habités par l'homme, mais des fois abandonnés ou enfin, il y a eu des traces de l'homme, peut-être pas nécessairement habitées, mais des traces de l'homme. Je pense à des projets dans des dépotoirs, au bord, sur la rive, au bord de l'eau, ou ces choses-là. Là, cette fois-ci, dans quel territoire tu nous amènes pour paysage? Mais le projet de paysage, il se distingue un peu des anciens projet dans le sens où j'explore pas uniquement un seul territoire ou un seul espace. Je me suis intéressée beaucoup à la notion de temps dans ce projet-là. J'avais envie d'arpenter finalement le temps, puis de voir comment le corps en déplacement arpente différents territoires et refait paysage d'une certaine manière, dans cette idée que le paysage est une construction de différents espaces. Et donc, dans ce cas-ci, on est allé dans le parc pas très loin de Duchesnay. OK. Dans le comté de Portneuf. Et puis, on est allé habiter un circuit, un territoire que j'avais au préalable dessiné. Donc, avec 8 performeurs et une petite équipe de tournage, on est allé sillonner par la marche différents paysages avec ponctué de performances, je dirais. Et est-ce que ça se peut que ça s'étend sur une journée aussi? Oui. Hein? C'est ça, il y a ça de particulier parce que dans tes anciennes œuvres, on était davantage dans le moment présent, mm-hmm. là, mais là, ça se ponctue sur une journée. Donc, il y a cet aspect-là du temps aussi qui est particulier à ce projet. C'était vraiment un peu, je dirais, le point de départ de la recherche. Donc, comme je disais, les projets antérieurs, on travaillait toujours sur une performance d'une heure dans un territoire vraiment précis. Et puis, je me suis questionnée de voir qu'est-ce qui se passe si on y va dans un défilement de temps. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une progression, il y a un changement de lieu, un changement de vêtements. Si finalement, il y a une réelle habitation dans le temps, est-ce que ça va avoir un impact sur tout l'aspect narratif du travail? Donc, je me suis intéressée à la notion du cyclique ou de la boucle, quelque chose qui est très récurrent dans mon travail. Mmh. Et puis là, je me suis vraiment intéressée à l'idée de l'objet d'un jour qui est finalement un cycle de l'éternel recommencement. Et puis, on est allé vraiment arpenter un 24 heures. Donc, on a commencé à midi et on a terminé la performance à midi. Il y a eu évidemment une pause pour dormir. À un moment donné, il y a eu certains besoins. Mais pour moi, c'était vraiment le défi de voir comment on va habiter dans le temps, comment le temps va avoir un impact. Il va venir colorer le corps, il va venir colorer la présence par la lumière, par l'effort, par la progression de la performance qui, finalement, il y a une fatigue qui s'installe. Mm-hmm. Il y a toutes sortes d'éléments, finalement, dans cette habitation-là du 24 heures qui est venu, finalement, constituer le projet lui-même. Donc, l'idée, oui, du paysage, mais l'idée aussi de faire le jour, de le faire en geste, de le faire durer, mm-hmm. de l'habiter, ce jour-là. Oui, c'est ça, de le vivre. Exactement. Aussi. Exactement. Mm. Et il y a toujours des actions que tu demandes aux gens de faire. Et là, ici, on parle d'actions qui sont très primaires, d'actions qui sont près, justement, de cette occupation du territoire. Là, on parle d'arpenter, de défricher, d'érocher, cueillir, semer, etc. Il y a quelque chose aussi du témoin, comme une sorte de témoignage du passé. Ou est-ce que je me trompe aussi dans ces actions-là, comme des gens qui sont venus ici, colonisés, qui ont eu tout à faire, ça aussi, à occuper ce territoire-là, à le travailler, à le mettre à leurs mains. Il y a quelque chose aussi de ça, un regard, pas nostalgique, mais vers le passé. Est-ce que ça se peut? Mais je pense que finalement, je réalise qu'il y a comme tout un rapport à l'historicité qui est un peu toujours sous-jacent finalement à mes projets, et peut-être d'autant plus dans ce projet-là, à cause de son côté un peu épique aussi. Donc, on sent qu'il y a une narration, il y a quelque chose, puis qui peut, oui, faire référence à cette première habitation-là dans l'histoire. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est aussi un intérêt pour le geste primaire qui est pour moi à l'échelle du corps. On est dans une époque où on réfléchit le territoire avec un rapport beaucoup plus de l'ordre de la machine. Oui. Quelque chose qui est vraiment dans la technologie. Et puis là, qu'est-ce qui se passe si on ramène à l'échelle du corps notre présence, puis notre façon d'entrer en relation avec le territoire, puis de finalement aussi un peu exprimer la vacuité de ce geste-là, c'est-à-dire ces corps-là qui ont travaillé pendant 24 heures, oui, ils ont marché, ils ont voulu tracer, ils ont voulu laisser une empreinte de leur présence dans le paysage, mais il y a quelque chose de complètement vain parce que le paysage est beaucoup plus grand, la nature est beaucoup plus forte, puis elle reprend toujours un peu son espace. Donc, c'est un peu ce que ça exprime, oui. Oui, tout à fait. Puis certainement, si on était retourné quelques temps après, ces traces-là, justement, sont disparues. Sont disparues, exactement. Puis la notion de trace, finalement, c'est l'image qui devient la trace véritable de cette action-là. Et puis finalement, autant je m'intéresse au geste et j'observe le geste, ce qui m'intéresse, c'est plus l'attention avec laquelle la personne fait le geste. Puis c'est finalement en bowling ce qui va faire sens, parce que ce qui en reste va disparaître. Qu'est-ce qui en fait sens? C'est l'énergie, l'intention et l'attention. Et un peu le personnage qui s'est créé autour de cette gestuelle-là qui, moi, est d'une trace et ce qui m'intéresse finalement dans ma pratique. Oui. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, en se parlant comme ça, moi, ça m'évoque aussi le fait aussi que plus tard, mettons, qu'on disparaît de cette planète aussi, ces traces-là vont éventuellement disparaître. Hein? Notre présence sur Terre, d'une certaine manière, va disparaître. La nature va reprendre, le paysage va reprendre son espace aussi. Fait que c'était intéressant en même temps, à la fois comment on a un regard dans les deux côtés, tu sais, à l'avant, à l'arrière. À l'avant, à l'arrière, en fait, justement, toute cet intérêt-là pour le cyclique. Tout à fait. Ouais. Reprend un peu son sens aussi avec cette idée-là. Et pourtant, il y a tellement d'énergie qui est mise dans la performance, dans cette idée de tracé. On pense aux références de l'histoire, mais aussi du futur. Puis finalement, c'est ça l'idée de présence. Et dans l'espace, c'est comment ça se présente ces images-là? Parce que je pense que c'est sur plusieurs écrans, c'est très très grand aussi dans la salle. Ben ça aussi c'était un peu le point de départ de la recherche, donc explorer l'idée d'une pièce installative qui se déploierait sur plusieurs écrans. J'avais fait une première amorce de réflexion sur ça dans un projet qui datait de 2011 qui s'appelait RIT, où c'était un triptyque vidéo où finalement je morcelais l'espace vidéo en trois écrans. Et dans ce cas-ci, je voulais encore un peu aller plus loin dans cette recherche-là pour finalement refaire le paysage avec les différents écrans. Donc, la salle, quand on entre dans l'espace de l'installation vidéo, on a quatre écrans qui sont placés de façon à l'horizontale et qui remplissent finalement la salle d'exposition et qui font 40 pieds de long. Donc, c'est quand une pièce assez... assez colossal. En fait, pour moi, c'est la première fois que j'explorais un tel espace vidéo. Et dans chacun des écrans, on a différents moments ou différentes parcelles d'un espace performatif qui a été exploré. Et puis, on voyage là-dedans dans chacun des écrans. Donc, je réfléchis la série vidéo un peu de la même manière qu'une série photographique pourrait... qu'une image parle de l'autre ou complète l'autre. Donc, chacun des quatre écrans refont un espace. Et puis, le spectateur peut soit aller embrasser toute la scène, mais aussi peut déambuler parce que c'est un très grand espace et peut accueillir la pièce vidéo en mouvement. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup aussi d'explorer. Le rapport au corps avec le spectateur aussi dans cette nature, dans ce paysage-là, est particulier de par son immensité. Et on est vraiment capable d'avoir une vue d'ensemble aussi? On est capable, mais reste qu'on est toujours un peu en train d'accorder une attention particulière à un ou à l'autre. Et puis, on a travaillé, parce que j'ai un collaborateur en son, Simon Elmalek, qui on a travaillé à ce que vraiment le son, lui, redonne une idée d'ensemble, une idée d'un seul lieu, en joignant chacun des sons attribués à chacun des écrans. Donc, il y a quelque chose qu'on essaye de tout embrasser, mais finalement, un peu comme dans la nature, il faut toujours, quand on regarde un paysage, faire un choix aussi... où est-ce qu'on ne pourra pas voir ce qui se passe derrière? Il faut toujours finalement attribuer son attention. Et puis, mais dans ce cas-ci, c'est des points de vue très rapprochés, très sensuels, très texturés de la nature. Donc, c'est un peu ça le jeu aussi, c'est que chaque écran donne une portion, puis c'est dans l'ensemble qu'on a une idée de paysage. Oui. Et avant qu'on termine, il y a aussi la question du son, moi qui je trouve toujours intéressant dans ton travail, parce que le son est très texturé, elle nous donne une texture, et je pense dans cette œuvre-là aussi, elle est texture, mais elle est aussi présence, et j'ai lu dans le petit texte de la commissaire, elle dit « éveille les sens, aiguillonne la mémoire et rend tangible les images ». Je trouvais ça quand même très très beau et tout à fait juste, et surtout dans cette incursion dans le paysage. En tout cas, le son a quelque chose aussi de particulier, je pense, dans ton travail. Qui est vraiment de l'ordre de la texture. On travaille avec des micros qui sont très, très près. C'est comme important de dire qu'on travaille beaucoup dans l'idée de la collecte. Donc, on va chercher on observe ce qui se passe, puis un peu comme un peu le documentaire. Donc, on va chercher les images, on va chercher le son. Puis le son vient vraiment ajouter tout ce qui est un peu du hors-champ, souvent. C'est ça. Ce qu'on n'arrive pas à voir dans les images, le son vient comme cimenter, il nous donne une autre compréhension de l'espace. Et puis, finalement, nous fait ressentir quasiment l'expérience du lieu. Et puis, c'est vraiment comme ça que je dirige mes projets, autant que ce soit dans l'image que dans le son, pour donner comme une certaine posture de la présence pour le spectateur mm-hmm. également, comme si lui également le vivait. C'est plus encore que ce qu'on voit. C'est des images tellement macro, c'est du son tellement macro qu'il y a quelque chose de très expressif un peu, ou de très augmenté, qui nous donne une sensation qui n'est pas juste de l'ordre visuel ou sonore, mais qui est quasiment sentie. Tu sais. Oui, tout à fait, tout à fait. Et avant de terminer, on dit aussi qu'il y a des photos, mais oui. Elles sont à l'extérieur, je oui. pense aussi. Donc, c'est une série, il a fallu que je fasse une sélection. Donc là, c'est une série de 6 images. Qui sont plus des présentations, finalement, des temps d'arrêt de chacun des personnages ou des performeurs dans différents moments clés. Donc, on a une image qui présente une performeuse en marche à l'aube avec le soleil, un autre moment dans la pénombre de la quasi fin de journée. Donc là, c'est vraiment, c'est comme si ça marque chacun des temps, ça les mm-hmm. arrête et ça devient des portraits un peu des différents temps qu'on a explorés au fil de cette performance-là. Ça se trouve, je pense, dans les lieux de dans circulation. Dans les lieux de circulation, hein? Exactement. Exact. Fait que finalement, exactement. Ça vient compléter cette espèce de parcours et voilà. qu'on a vécu aussi au travers de la vidéo. De la vidéo, ouais. Exactement. Eh bien, Jacinthe, je remercie beaucoup d'être venue nous Merci en parler. Merci à toi de m'avoir On été. Rappelle aux invités, pas aux invités, mais à nos auditeurs, que c'est jusqu'au 6 mai au Musée d'art de Joliette dans la Naudière. C'est à peu près 2h20 de Québec, mais ça vaut la peine de faire une petite sortie cette fin de semaine pour aller voir ça. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci à toi. On s'en va en pause audio à quelques instants et on revient avec Julie Picard. Alors là, le prochain segment s'adresse particulièrement aux artistes et aux travailleurs culturels de Québec parce que j'ai avec moi Julie Picard qui est à la fois artiste mais aussi artiste comptable. Et elle va nous donner donc une formation très prochainement, on va dire. C'est le 17 mai, oui, le 17 mai prochain. Et c'est le Centre d'artistes Regard qui aura l'honneur d'accueillir ma formation en présentation avec le Conseil de la culture Québec Chaudière-Appalaches. Alors, voilà, donc ça fait une belle entrée de jeu parce que la comptabilité dans le milieu des arts, hein, enfin, quand on pense aux artistes qu'on côtoie, c'est pas une tasse de thé pour tout le monde. On n'est pas très à l'aise, mais toi, ça fait très, très longtemps. Même, je voyais 10 ans cette année que tu allies pratique artistique et pratique comptable, que tu offres ces services-là aussi quand même. Ben bravo, premièrement. Oui, ben, merci. C'est, oui. Oui, et donc tu as suivi aussi des cours en gestion culturelle. En fait, parle-nous un petit peu de ta formation davantage autour de la comptabilité, Julie. Oui, bien sûr. Ben, je vais parler de mon parcours parce que plusieurs personnes me demandent pourquoi je suis artiste et comptable. Ben, c'était un peu dans mes questions plus tard, mais vas-y, okay. On saute tout de suite dans le bain. Écoute, c'est que plusieurs personnes pensent à tort que je suis comptable et ensuite je suis devenue artiste. J'ai découvert ma passion et puis bon, j'ai fait un changement de carrière. En fait, c'est le contraire. Mm-hmm. C'est vraiment l'art et sa pratique, notamment sa pratique professionnelle, qui m'a amenée à la comptabilité et à la gestion. Donc, je suis d'abord artiste et comptable. Donc, c'est pour ça que je le décris comme tel, artiste-comptable. Mm-hmm. Ça représente la chronologie dans laquelle les choses sont arrivées dans le temps. Donc, c'est vraiment par... je me suis beaucoup intéressée à la gestion administrative. On pourra peut-être y revenir là tout à l'heure, mais c'est... j'ai fait un retour aux études. J'ai fait toutes mes études en arts visuels, bac, maîtrise, mais j'ai aussi fait un retour aux études. Et cette année, en 2018, ben, ça marque mon 10 ans de diplomation en comptabilité et j'offre depuis donc une dizaine d'années des formations spécifiques dans le domaine culturel pour les artistes, travailleurs autonomes, mais également pour les gestionnaires d'organismes à but non lucratif en culture partout au Québec. Oui, puis même dans d'autres domaines, je pense, là, de l'économie sociale aussi. Oui. Donc, c'est intéressant aussi. C'est beaucoup en culture, ta spécialité, mais quand même, d'autres domaines peuvent en bénéficier également. Oui, tout à fait. Mon expertise se situe dans des formes juridiques précises, le travailleur autonome, mais aussi l'organisme à but non lucratif. Mm-hmm. Et plusieurs organismes œuvrent en économie sociale, en environnement, des groupes communautaires et toutes sortes de coopératives également, des coopératives de travail. Donc, ce sont des formes juridiques qui m'intéressent énormément. Et là, dans le fond, tu vas offrir en compagnie, donc, grâce au Conseil de la culture de Québec et de Chaudière-Appalaches, une formation pour simplifier la gestion financière de la carrière artistique. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette formation-là, au juste? Alors, oui, cette formation-là, ça fait déjà 10 ans que j'offre cette formation, je dois le mentionner. Donc, c'est une formation que j'ai développée et qui s'intéresse à la comptabilité pour les artistes, par une artiste. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le point de vue de la carrière professionnelle de l'artiste et je m'intéresse à expliquer aux artistes les choses importantes à savoir. Donc, on ne va pas remplir ensemble le rapport d'impôt. Mm-hmm. D'ailleurs, je salue les gens qui ont terminé la production de leur rapport d'impôt hier. C'était la date limite. Tout à fait. Donc, on ne va pas s'intéresser au rapport d'impôt comme tel, mais plutôt voir qu'est-ce qui est important de savoir et de comprendre dans la fiscalité, dans tout ce qui est l'aspect juridique, le statut professionnel de l'artiste, par exemple, ou qu'est-ce qui est important de connaître au niveau fiscal, que ce soit l'inventaire de l'artiste, qui est bien mm-hmm. important, ou l'attente raisonnable de profit dans le domaine artistique. C'est très important de connaître ces notions fiscales quand on est artiste professionnel. Oui. Et là, il y a toutes sortes d'objectifs, de compétences, mais moi, dans les objectifs, ce qui m'a aussi beaucoup accroché, c'est de développer votre esprit critique et votre confiance. Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on sent des fois pas toujours la meilleure personne pour gérer tous ces aspects-là. Là. Fait que ça, c'est quand même important aussi, il faut le dire. Son esprit critique et sa confiance, pour moi, ne signifie pas d'apprendre à tout savoir et tout connaître de la fiscalité pour faire soi-même son rapport d'impôt. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'est-ce qui est important de comprendre et de développer une vision globale et générale de ce point de vue-là aussi de la gestion de carrière et d'être en mesure de pouvoir collaborer. Donc, avec des collaborateurs, voire même de déléguer cet aspect de la gestion de sa carrière. Donc, le rapport d'impôt, ça se délègue bien. Et comment comprendre les tenants et aboutissants de la fiscalité, mais également de faire de la budgétisation. Donc, quand on fait une demande de subvention, un nouveau projet, on doit apprendre à faire de la planification. Mm-hmm. Et dans le domaine culturel, on est en fait constamment en train de faire de la budgétisation, que ce soit pour nous ou pour un organisme avec lequel on travaille. Oui, tout à fait. C'est un essentiel si on ne veut pas se ramasser au bout du compte, puis enfin, avoir travaillé pour des pinottes aussi. Hein? Mm-hmm. C'est bien de puis aussi d'avoir des mauvaises surprises. Il y a tout ça, hein? Parce qu'on peut rapidement, en art, dépendamment de notre pratique artistique, tomber dans des coûts très onéreux là, au bout de la ligne. Oui, tout à fait. Puis j'aime bien outiller les artistes à ne pas paniquer devant cet ensemble de données, mais aussi à faire la distinction entre la fiscalité, le rapport d'impôt et la gestion de son propre budget, budget de pratique, budget familial, budget pour faire de nouveaux projets et faire des planifications et démêler tout ça avec un bagage et une terminologie comptable appropriée pour savoir vulgariser de quoi on parle. Vulgariser de manière très simple aussi pour que ce soit, enfin, qu'on jase pas justement trop de concepts abstrait, si on peut dire, mais de le dire de manière très claire et simple. Tout à fait. Et je suis une partisane de l'autogestion également, donc que l'artiste puisse gérer soi-même ses projets. Donc, ça fait partie des compétences importantes de connaître la terminologie comptable et connaître comment faire un budget et se dépatouiller là-dedans. Oui. Et en plus, parlant de budget, c'est vraiment un prix très, très petit qu'on nous propose, cette formation-là. C'est quand même une valeur, on dit réelle, de 233 $, mais pour combien ça va nous coûter aller à cette formation-là, Julie? Alors, pour un beau 30 $, pour une formation de 6 heures. Ben, quand même! Donc, pour apprendre la comptabilité par une artiste, pour les artistes, toute la journée. Et en fait, ce prix-là est rendu possible grâce à Emploi Québec et le Conseil de la culture Québec-Chaudière-Appalaches, qui finance des formations professionnelles pour les artistes, travailleurs autonomes en culture et les artistes de toutes disciplines, je dois le mentionner, sont invités à la formation. Oui. Et on le rappelle, c'est donné, dans le fond, au Centre Regard qui est à Lévis, juste de l'autre côté du traversier. Ça se fait très, très bien le matin pour aller là. Et on va dire aussi à quel endroit on peut s'inscrire. Sur le site web du Conseil de la culture Chaudière-Appalaches, Québec Chaudière-Appalaches, également par le biais de mon site web à moi, donc juliepicard.net/service. Excellent. Eh bien, Julie, juste peut-être une dernière minute, parce qu'on voulait souligner aussi le fait que tu as réalisé ta maîtrise, bien sûr, et qui, dans le fond, parle-nous un peu de ce mémoire que ça fait pas très longtemps, l'an dernier, que tu l'as déposé, qui va être sous peu accessible en ligne aussi. Oui, tout à fait. Donc, j'ai voulu pousser l'idée aussi loin que faire une maîtrise qui avait comme sujet justement ma double pratique professionnelle d'artiste et de comptable, qui est le point de départ de la recherche. Et ça s'est avéré être une formidable aventure qui a duré quelques années quand même. Donc, une maîtrise en arts visuels, mais avec un cours contributoire de recherche comptable de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Et j'ai donc rédigé un mémoire écrit de 101 pages qui s'intitule « Compter mes jours, recherche explorant l'espace entre ma pratique artistique et ma pratique comptable ». Et voilà, ce mémoire qui est une recherche interdisciplinaire, là, donc qui s'intéresse là, à ces enjeux, est vraiment très intéressant parce que ça pose quand même des bases historiques, politiques et critiques sur cette opposition artiste et comptable qui est une construction sociale qui a des racines historiques très, très intéressantes. Et ça va être disponible sur la plateforme Érudit, je pense, sous peu. Là. Donc, en ligne, on va pouvoir la trouver facilement. Oui, je l'ai mis disponible sur mon site web. Ah oui, bon, ben voilà. On peut donc la télécharger également à la bibliothèque de l'Université Laval dans les thèses et mémoires, mais bientôt sur Érudit. Là. Donc, on attend la publication en PDF. Les gens vont pouvoir télécharger la publication, le mémoire. Et il y a de nombreux artistes en art actuel aussi, je n'ai pas le temps de toutes les nommer maintenant, mais qui ont collaboré avec leur recherche également. OK. Ben super. Alors, Julie Picard, on te remercie énormément. On rappelle Comptabilité pour les artistes. C'est une formation, bien sûr, qui est offerte aux artistes et travailleurs autonomes en culture le 17 mai prochain au coût de seulement 30 $. Alors, allez faire votre inscription tout de suite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'est toujours un plaisir. Alors, on s'en va en pause publicitaire et on revient pour la deuxième moitié d'émission. 89.1 À découvrir sur la fabrique culturelle. Julien, son travail de médecin se répercute dans son art. Julien Poitras, médecin d'urgence spécialiste, BDiste et directeur de la maison d'édition Moelle Graphique. C'est des projets qui se font en collaboration avec les auteurs. Et moi, comme éditeur, donc je regarde ce qu'il m'a proposé comme bande dessinée. Je vais entrer dans un échange, un dialogue avec l'auteur, essayer de définir quel serait le meilleur objet pour porter cette bande dessinée-là en termes de livre, en termes de relieu. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leur coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. Librairiepantoute.com. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes CKRL 89.1 et je suis en compagnie de Julien Saint-Georges Tremblay. Bonsoir, Julien. Allô, Audrey. Ça va? Alors, ben oui, très bien. Très bien. Merci, toi-même. Oui. Alors, tu nous as proposé, à vrai dire, à moi, tu m'as proposé cette idée de chronique sur un jeune artiste, Jérôme Trudel, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va bien? Ben oui. Alors, qui expose, à vrai dire, sa première exposition, qui présente plutôt sa première exposition à la salle Jean-Paul Lemieux de la bibliothèque Étienne Parent à Beauport. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré vers le travail de ce jeune artiste? Ben, en fait, c'est rien contre Jérôme, mais c'est plus la salle, en fait, que je trouve intéressante. Oui. C'est-à-dire qu'il propose des artistes, des fois, qui sont justement peut-être un petit peu en dehors, mettons, de l'œil de poisson, d'Avatar, tu sais, du complexe Méduse, mais qui trouvent tout de même des artistes d'art actuel, tu sais, comme qu'on. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu parler de Jérôme. Donc, mais c'est la première fois qu'ils prennent un artiste de la relève. Ah oui, ouais. Ah ben, c'est très le fun à savoir. Ouais, qu'ils ont trouvé. C'était comme tu avais déjà un lien avec. Pas du tout. J'ai soumis mon dossier à l'appel de dossier, puis j'ai été pris. Bon. Ouais. Ouais, parce que moi, je me rappelle, j'ai vu ton travail l'an dernier à l'Expo des finissants, là, en art visuel. Okay. J'avais eu l'occasion de voir ça, ce travail-là. Alors, j'ai quand même très contente que tu veuilles nous présenter aussi ce travail-là ici en onde à l'aérospatiale. Ouais. Alors, je te passe le flambeau pour questionner notre invité. Super. Mais là, juste faire peut-être rapidement, essayer de vous imaginer peut-être un peu l'expo. Vous irez voir, évidemment, sur la... c'est le site de la Société historique de Beauport. Hein? D'art et d'histoire de Beauport. D'histoire, ouais. Il y a des images de l'expo au fil du temps. Sinon, sur le site aussi de Jérôme, il y a beaucoup de photographies qui montrent le projet. Donc, en gros, c'est des personnages qui sont suspendus dans l'espace de la galerie. Des personnages fragmentaires, donc en plâtre, ils lévitent. Hein? C'est vraiment comme... ça peut aller... il y en avait au-dessus de la tête. Oui, il y en a des très hautes qu'on peut passer en dessous, ce qui est intéressant. Ouais. Qui sont, c'est permis de passer en dessous. Oui, bien sûr, oui. OK, bon, ben, ceux qui veulent, c'est donc, c'est ça. Et là, on est... puis, il n'y a pas de cartel, me semble. Hein. J'en ai pas vu, hein. C'est ça. Mm-mm. Parce que quand je suis allé sur le site, là, j'ai vu les titres de ces vapeurs humaines, c'est ça, de 1 à 7, je pense. Ouais. OK. Donc, c'est ça, c'est des personnages qui habitent l'espace. C'est assez vide, mais je trouvais ça intéressant, justement, tu sais, comme le vide, c'est juste les personnages qui flottent comme des petits fragments de plâtre, finalement, qui forment les personnages, qui les déforment. Peut-être juste, est-ce que tu trouves que je décris bien? C'est très bien. C'est ça qu'on peut avoir. Donc, ma première question, c'est ça, c'est au fil du temps, il paraît que le temps est comme très important dans tes expos. Ouais. Donc, peut-être juste nous dire pourquoi, comment tu veux représenter le temps à travers ces personnages-là? Ben le temps, c'est quelque chose qui est vraiment incrusté dans ma démarche artistique. Je parle du temps, pas de manière littérale, mais plus de manière poétique. Puis pour moi, quelqu'un qui se désintègre, vraiment une image d'une personne en désintégration, c'est vraiment une image poétique du temps, de l'évanescence de l'humain, du temps qui passe... Ouais. Il y a quelque chose de la vanité au travers de ce travail-là. Moi, quand j'ai regardé, là, ça m'a évoqué ça, l'éphémérité de la vie, le passage, de ce temps-là, le corps aussi qui est matière, mais tu sais, on dit que tu nais et tu vas devenir poussière, ben il y a un peu de ça aussi au travers de ce travail. Ma démarche, c'est comme développer un peu en même temps que ma technique. Puis comme je travaillais les fils, puis je suspendais des choses, tu sais, le temps, ça s'arrête un peu quand on suspend les morceaux de plâtre, fait que c'est vraiment ça qui m'a poussé. Je travaille beaucoup l'immatérialité, le flou, tout ce qui est évanescent, Oui, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, de suspendre, je trouve que c'est vraiment ça, ça crée un arrêt, tu sais, c'est vraiment comme on fige, là. Mais tu sais, il y a encore le mouvement qui reste. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, parce que sans le vouloir, ben là, la sculpture bouge, hein, parce que les courants d'air qui rentrent notre dans déplacement l'espace. Dans fait l'espace. Tournoyer les petits morceaux. C'est ça. Fait que c'est super intéressant, je trouve, de les activer comme ça, puis d'attendre quand est-ce que ça va se refiger, finalement, avec un nouvel angle aussi qui se crée. Donc, c'est ça, le temps est toujours un peu là, ou en tout cas, le mouvement aussi, j'imagine. Le mouvement aussi. Qui est comme, Puis aussi, l'aspect du sublime que je travaille aussi un peu. Okay. Puis j'aime ça qu'on arrive vraiment face à face à une œuvre qui est la dimension du corps humain. Fait qu'on s'attache vraiment à cette œuvre-ci. Et c'est ça, qu'elle soit vraiment arrêtée dans l'espace, puis qu'on puisse vraiment la contempler. OK. Ça, avoir une expérience avec, avec le personnage qu'on voit. Ouais, c'est ça. Okay. S'identifier aussi, C'est, j'imagine que c'est toi qui est comme le modèle pour... J'ai été le modèle de plusieurs de mes sculptures. Des fois, c'est mes amis, puis des fois, je prends aussi des mannequins. OK, c'est ça. Donc, mais d'ailleurs, ça m'amène justement pour... J'imagine que c'est un mannequin que tu as pris pour faire le... Je sais pas c'est laquelle vapeur exactement, mais l'enfant, exactement. Ça doit être un modèle. Ouais. Parce que c'est un adulte qu'on a en studio en ce moment. Ouais. donc, c'est ça. Mais l'enfant, je trouvais ça intéressant parce que c'est le seul dont j'ai reconnu un visage complètement formé. Exactement. En fait, tout le reste, c'est des adultes, finalement. Mm-hmm. Donc, c'est des personnages de taille adulte, mais ils ont pratiquement pas de visage ou des fois un crâne, admettons, comme l'arrière du crâne, mais on voyait pas le visage. Puis je me demandais, je veux t'entendre en premier sur... Pourquoi est-ce que c'est seulement l'enfant qui a un visage dans... Ben, c'était intéressant parce que c'est un enfant, il était à la début de sa vie, fait que c'est un des moins fragmentés. C'était vraiment juste ses bras qui commençaient à dissiper. Là. Fait que c'était une de mes idées. Aussi que c'est un mannequin, puis j'aimais beaucoup le visage du mannequin. OK, ouais, c'est ça. D'essayer de le capter, tout ça. OK, super, c'est ça. Fait que, tu sais, OK, tu voyais, c'est moins... C'est lui qui n'est pas encore fragmenté, finalement. Moi, je voyais... C'est ça, je trouvais ça intéressant, parce que moi, j'avais vu ça comme... c'est lui qui voit le temps qui passe, justement, aussi, tu sais. C'est sûr que ça l'affecte moins, mais lui, il va voir ce qui va se dérouler après. Finalement, il voit le temps est plus long pour lui, c'est ça. Il y a plusieurs façons de voir, c'est ça qui m'intéresse aussi. OK. Ouais. Super, c'est vraiment intéressant. Puis il y a la légèreté du matériel aussi, parce que, bon, un corps, ça reste un corps de chair, ça reste même un mannequin là, t'sais, qu'on aurait suspendu ou fragmenté. Là, par l'usage de ces bandelettes de plâtre que tu as utilisées, puis qu'elles sont fragmentées, moi, j'ai trouvé qu'il y a une grande légèreté aussi dans l'espace. Ouais. J'aime beaucoup travailler avec le matériau brut. C'est vraiment de quoi qui m'intéresse, ouais. Oui. Et je veux dire aussi, pourquoi l'avoir laissé... Bon, tu parles de matériaux bleus, mais aussi tous ces personnages-là sont blancs aussi. Il y a ça, par exemple, il n'y a pas de couleur. On reste de manière très minimale aussi dans la couleur. Est-ce qu'il y a une raison? Hein? Je voulais, premièrement, laisser le matériau brut et pur. Et deuxièmement, j'aime beaucoup penser comme si je travaillais à la lumière. Puis le blanc, ça reflète vraiment bien la lumière. Puis ça donne vraiment une atmosphère à la salle, à l'exposition. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais, ça capte bien la lumière orangée. C'est comme plutôt chaude, jaune, chaude. Finalement, ouais, c'est ça. T'sais, même si c'est blanc, ça paraît peut-être froid, mais finalement, avec la lumière, ça devient plus humain. Puis comme vous avez vu mon exposition définissant au baccalauréat, j'avais peint la salle blanche. J'aimais beaucoup l'atmosphère. Puis je voulais faire une exposition encore plus grande pour ma première exposition. Je voulais vraiment que ça soit comme je l'avais fait avant, mais avec plus de morceaux. Puis c'est pour ça que j'ai refait en blanc. Mais pour mes prochains projets, je veux travailler un peu avec la lumière de couleur. Je veux travailler avec différentes couleurs, Essayer. Et moi aussi, ce qui m'a marqué en même temps dans cette idée de désintégration, on est aussi... Il y a quelque chose de futuriste dans ce regard-là. En tout cas, moi, ce que ça m'a évoqué en le regardant, parce que un peu comme un futur qui serait peut-être pas si lointain, où le corps, quand on regarde par exemple des jeux vidéo ou des fictions futuristes là, où la technologie était impliquée, moi en tout cas, il y a quelque chose de ça aussi qui m'évoquait au travers de cette désintégration du corps là, un peu comme si c'était pouf, des pixels. Plus tard, exactement, genre de pixels ou un corps qui justement par des technologies, à un moment donné, va juste se désintégrer comme ça. En tout cas, moi, il y avait quelque chose qui m'a évoqué de futuriste aussi dans cette approche-là. Comme une transformation, finalement. Comme si le corps se désintégrait pour... Pour devenir autre chose ou d'humain. D'énergie. Exactement. Chose comme ça. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose, je sais pas, quelque chose de monde de parallèle. Je sais pas trop, mais moi, ça m'a... Alors qu'il y a une petite lumière qui s'est allumée. Parce que c'est vrai que c'est une fragmentation organisée que tu fais. C'est pas une fragmentation comme... Tu sais, c'est pas des... Vous allez pas aller voir comme un corps qui explose, admettons, comme sous l'effet d'une bombe. C'est plus comme si on enlevait des morceaux. Ouais, il y a un mouvement défini. C'est ça. T'sais, on sent qu'il y a de l'organisation. Et puis moi, j'étais curieuse de t'entendre de parler sur la manière dont tu travailles sur place, parce que il reste que ça part d'un mannequin, mais après ça, on se ramasse avec un paquet de petits bouts. Et là, dans l'espace, tu les suspends à différentes hauteurs. Il doit y avoir tout un travail colossal sur place, puis un ajustement aussi à faire à chaque fois que tu présentes ces pièces-là. Pour le montage, j'étais un peu dans un petit rush, parce que je revenais du Brésil. J'ai fait ma première résidence d'artiste ce mois-ci. Puis j'avais 7 jours pile pour faire le montage. Puis c'est pour ça que j'avais vraiment tout préparé, mes morceaux. Tous mes morceaux, il y avait déjà la ficelle d'enroulée sur les morceaux. Comme ça, j'étais sur mon escabeau, je pouvais dérouler la ficelle, l'accrocher avec un petit clou, puis c'était fait. Puis c'est à partir de là que je jouais vraiment avec la hauteur pour savoir où est-ce que je voulais tous mes morceaux dans l'espace. Fait que finalement, à chaque fois, si tu représentes une pièce, elle est tout le temps un peu différente de la fois précédente. Donc, l'éclatement du corps peut être plus grand, plus petit, ou enfin à différentes hauteurs. Fait que c'est intéressant. Aussi, tu as une liberté dans la manière de le présenter. La seule ligne directrice que j'avais, c'était vraiment les gros morceaux. Les gros morceaux qui sont vraiment les sujets figuratifs. Puis après ça, je me laissais aller avec mon imagination rendue à la salle. Excellent. Ouais. Ben finalement, ça va valoir le détour à la salle Jean-Paul Lemieux à la bibliothèque de Beauport. Oui, voilà. Oui. Est-ce que tu peux nous dire, Juliette, c'est jusqu'à quelle date? C'est du 22 avril au 27 mai. Parfait. 2018. Fait qu'il nous reste encore une bonne partie du mois pour aller voir le tout. Ben, Jérôme Trudel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Julien d'avoir présenté ce sujet. Oui. Alors, je vous le rappelle, c'est au 3515 rue Clémenceau à Beauport. C'est gratuit. Et ce qui est intéressant, vu que c'est que c'est au travers de la bibliothèque, ben, on peut le voir du mardi au vendredi jusqu'à 21h le soir aussi. Alors, si des fois vous passez par là, ça vaut la peine. Alors, nous, on s'en va en pause audio et je vous reviens avec quelques suggestions lecture de l'autre côté. Et voilà, c'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de vous quitter, j'avais envie, en ce renouveau de printemps, bon, enfin, on a eu beaucoup de pluie, mais là, on a eu une petite parcelle de soleil aujourd'hui, puis je me suis dit, bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de livres l'aérospatiale, et j'avais envie de vous faire part de quelques lectures que j'ai bien appréciées. Ben, à vrai dire, c'est pas toutes des choses récentes non plus, mais quand même des lectures qui, des fois, m'ont suivi tout au long de mon parcours dans le milieu des arts visuels et qui peuvent aussi vous aider, vous, chers auditeurs, des fois, à comprendre certains aspects, éléments. Et bien, Julien est toujours en ma compagnie ici. Je vais avoir des idées de lecture. Tout à fait. Alors, première des choses ici que je vous parle, c'est « Groupe, mouvement et tendance dans l'art contemporain depuis 1945 ». Alors, si vous nous écoutez de temps en temps ou vous venez juste de nous joindre cette semaine, bien, ce livre peut être extrêmement intéressant parce que c'est une sorte de petit dictionnaire, je dis dictionnaire, mais un guide qui nous suit tout au long de notre parcours et qui retrace depuis 1945 les différents groupes, mouvements et tendances de l'art contemporain. Par exemple, on parle de l'expressionnisme abstrait, on peut vous parler aussi de tendances comme le food art. On a également aussi le narrative art. Bon, enfin, ça fait très français là, de la manière que j'ai dit, mais c'est écrit par des Français. Mais le op art, l'art optique, donc l'art vidéo, l'art minimal. Donc, ça va vous aider à mieux comprendre aussi des fois des éléments dont on vous parle ici à l'émission, à contextualiser ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces mouvements-là sont datés à l'intérieur. Et également, ça se résume généralement en 2 ou 3 pages. Donc, c'est très court, mais ça fait un survol assez rapide, concis, mais tout de même nous donne les clés de lecture aussi pour comprendre certains de ces mouvements ou groupes artistiques-là qui font partie de l'art contemporain. Donc, des fois, quand on a un petit blanc de mémoire, même pour le monde qui s'y connaît, on se dit « Ah oui, c'est quoi donc le bad painting? » Donc, quel artiste et tout. Et il y a toujours une petite biographie bibliographie à la fin qui vous fait part d'ouvrages intéressants à lire en complément, donc ou si on veut vraiment orienter des lectures plus spécifiques. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'avais ça durant mes études à l'université et il me suit encore toujours aujourd'hui. Alors, un petit ouvrage à avoir dans ses cartons. Sinon, il y a l'exposition de Claudie Gagnon qui s'en vient à la Galerie 3 à partir du 11 mai prochain. C'est une belle occasion de redécouvrir cette publication-là, Claudie Gagnon par Mélanie Boucher, qui avait été éditée notamment par L'Œil de Poisson ici à Québec. On peut d'ailleurs trouver ce livre-là à L'Œil de Poisson aujourd'hui, donc ce qui retrace, à vrai dire, 20 ans de carrière de Claudie Gagnon. Donc, c'est tout ça, 20 ans, ou en tout cas une bonne dizaine d'années, ouais, certainement, ouais. Là, ce je sais ici, parce que je sais que ça part de ses débuts dans la fin des années 90 et jusqu'à 2008. Donc, c'est ça, ça ferait à peu près une dizaine d'années ici. Et c'est un ouvrage vraiment incontournable pour comprendre le travail de cet artiste-là, faire un survol aussi des grands éléments de sa démarche, les tableaux vivants, également aussi les installations qu'elle a faites, ce rapport aussi à l'Arte Povera, au bricolage. Puis là, je dis bricolage, mais dans un terme très, très noble, là, dans le sens du terme très noble ici, parce qu'un bricolage à partir de matériaux simples, de matériaux qu'elle récupère, parce qu'elle recycle, qu'elle récupère tout ça, à la fois les matériaux, mais aussi les images de l'histoire de l'art pour se les approprier. Alors, vraiment, un ouvrage incontournable si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir le travail de Claudie Gagnon, dont on va voir l'exposition, donc, à la Galerie 3 très prochainement. Sinon, côté roman aussi, il y a le roman Imago de Nathalie Jean, une écrivaine de Québec, et que j'aime beaucoup le travail. C'est son premier roman ici qu'elle publie, Imago, donc qui met en scène bien sûr une histoire d'amour qui se passe à Québec, qui commence à Montréal, mais qui se termine à Québec. Donc on reconnaît la ville de Québec ici. Mais ce qu'il y a de particulier aussi dans ce livre-là, c'est que dans un des chapitres, elle nous parle d'une performance qui a lieu à L'Œil de Poisson. Alors, je trouvais ça quand même le fun ici. Puis c'est une performance que moi, j'ai eu l'occasion de voir à l'époque. Elle s'en est inspirée. Okay. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça nous fait entrer un petit peu dans le monde des arts visuels aussi au travers de ça. Mais Nathalie Jean a toujours une manière très, très expressive, très minutieuse de nous présenter tous ces petits détails. Il y a beaucoup de la texture dans son écriture, qu'on ressent les choses. Alors, ça vaut la peine de lire Imago, donc de Nathalie Jean, aux éditions Le Méac. Allez trouver ça chez votre libraire. Et je terminerai aussi avec une monographie de Mario Doucette, un artiste dont j'apprécie énormément la carrière et qu'on a vu à Québec en 2014 ici à Méduse. Et c'est, à vrai dire, un artiste qui parle de l'histoire acadienne au travers de ses peintures à caractère historique, mais avec une technique, enfin maintenant elle devient de plus en plus réaliste, mais avec une technique qui était très très proche de l'art, un peu enfantin en quelque sorte aussi. Et il travaille maintenant la peinture historique de manière très contextuelle, à la placer, ses œuvres d'art, à les placer dans des contextes très contemporains également. Dans des contextes installatifs, voilà, donc par rapport à la peinture historique. Donc, des couleurs sur les murs qui rappellent la peinture d'époque, des lustres ou ces choses-là. Alors voilà, à découvrir vraiment Mario Doucette, cette monographie donc de l'artiste. Et j'y vais très très rapidement parce que c'est bientôt la fin, donc on y va avec l'agenda de la semaine pour vous dire que ce mercredi, il y a une discussion carrousel, donc une soirée de discussion libre où les participants partagent autour d'objets photographiques, apporter avec eux donc des éléments, des processus. On discute autour de tout ça et on amène aussi à dire comment cet objet ou ces images-là ont inspiré notre travail. C'est à compter de 17h30. Et sinon, jeudi, à Sherpa, un travail intéressant de Gabrielle Bélanger, donc qui fait un projet d'art social mené auprès de 3 mois, auprès de travailleuses du sexe. Donc, une installation et des images photographiques qui vont émerger de tout ça. C'est à Pêche Sherpa, au 130 boulevard Charest-Est. Et sinon,